Ça paraît pas, mais ça passe qu'en vite quand même une vie. Delva Raymonde. Ma date de naissance? 27 juillet 1929. Également, je suis née à Saint-Michel-sur-Ternoise. Ça touche à Saint-Paul. J'ai été beaucoup dans la couture, moi. D'abord, toutes mes affaires, je les faisais moi-même. Mes tricots, tout, ça me passait le temps. Parce qu'ici, il n'y a rien à faire. Je travaillais là-dedans. Ben, toutes mes affaires, je les ai faites moi-même, hein. Avant, j'étais retoucheuse parce que les gens, ils achetaient une robe, ils achetaient quelque chose, il fallait refaire un ourlet. Puis j'ai appris de moi-même. Ben, je travaillais dans la couture, hein, à Saint-Paul-sur-Ternoise. Moi, quand les gens qu'ils achetaient quelque chose, souvent, il y a quelque chose à retoucher. Soit la longueur, soit reprendre. Si c'est une jupe sur le côté, tout ça. Mais c'était pas un grand atelier, hein. Non, non. L'atelier de couture est en fait. C'était pas mal, Saint-Paul-sur-Ternoise. Il a été bien bombardé, mais enfin, c'est... Où j'étais avant, j'avais un grand jardin. Alors ça, c'était intéressant aussi parce que j'aimais bien. Oui. Mais un appartement, c'est autre chose. Je peux pas faire de jardin. C'est vrai, un jardin, c'est un beau passe-temps, vous savez. Et après, on sait ce qu'on mange. Mon mari m'a rangé ma terre. Et après, c'était moi, oui. Ben oui, parce que pour bêcher tout ça, c'est quand même le travail d'un homme, hein. C'est plus le travail d'un homme qu'une femme. Mais après, pour semer, oui, souvent, c'était moi. Des carottes, tout ça, des navets, tout, un parquet de fraises. Alors celui-là, il était aimé, hein? Un beau parquet de fraises que j'avais. C'est bon, on les cueille toutes fraîches, là. Ben, j'ai eu un jardin parce qu'on a la maison où on était, il y avait du terrain. Donc moi, j'ai fait le jardin. Mon mari, il bêchait, parce que c'est quand même plus dur de bêcher. Il bêchait, il m'a rangé ma terre, et après, c'était moi. Mon père, c'était un bon jardinier. On avait tout par nous-mêmes, hein, nos légumes et tout. On savait ce qu'on mangeait, hein. Oh, ils avaient un grand jardin. Moi, mon père, il avait un grand jardin. C'était un jardinier, ça, il n'y a rien à faire. Oh, il est décédé, forcément, mon père. Mais il avait un beau jardin. Il avait des lapins, tous des cabanes à lapins. Mon père, il était au chemin de fer. Il conduisait des trains. Oh, il avait une bonne place, hein. Conduire les trains, c'est une bonne place, hein. Alors, il avait acheté sa maison. Ma mère, elle est décédée assez jeune. J'ai été élevée par une marraine. Dans la famille, quoi. J'avais des cousines en même temps. De ce côté-là, je n'ai pas été malheureuse. Oui, c'est vrai. Non, j'ai fait deux endroits. À Arras, c'était en Arras, on était en HLM. C'est là que j'ai connu les HLM. Ben, après Arras, je suis revenue à Saint-Paul-sur-Ternoise. À force, j'oublie, vous savez. Ben, il fallait que je suive mon mari. Oh, attendez, je ne sais même plus ce qu'il faisait. Il était dans la police. Il a été dans la police, il a été à Arles. Il a eu sa retraite au commissariat de Arles, à mon mari. Ben, j'ai déjà habité à Arles, mais. Mais je lui ai dit, là, c'est tout, je ne change plus, hein, parce que avec les meubles, c'est pas évident. Hein. C'est vrai, pour une femme, c'est pas évident, hein, être toujours changé. Et quand il a parti en retraite au commissariat de Arles, c'est vrai qu'ils ont fait une jolie réception. Hein. Oui. Puis il a fallu que j'y aille, je ne voulais pas y aller. Mon mari, il dit, si tu viens, il t'attend. Enfin, j'ai eu la chance, j'ai eu un bon mari. C'est principal, ça. Oui, puis il était en retraite à commissariat de Arles. Ah ouais, ça passe vite, vous savez, la vie. Quand ça commence, ça passe vite. C'était pas mal, ça, Paul sur Terre Noire. Il a été bien bombardé, mais enfin, on a passé à travers. Forcément, la guerre, elle a fait du tort à beaucoup de personnes. Hein. On a déjà dû être, j'ai dû être évacué avec mes parents aussi, à cause de la guerre. C'est ça que c'est. On est parti rester dans un village. Au moins, là, on trouvait à manger. Ah, on a dû quitter, hein. On a dû quitter quand même pendant un bon moment, parce que les Allemands, ils avaient mis une mitrailleuse, je ne sais plus quoi, juste en face de la fenêtre de salle. Alors, ma mère qui avait une peur bleue des Allemands, dès qu'on entendait quelque chose, elle allait voir à la fenêtre. Elle disait, ils sont montés, parce qu'on avait des Allemands en face de chez nous. Alors, on le voyait, hein. Eux étaient avertis tout de suite par téléphone. Ça, c'est la vie, comme on dit, hein. Oh, quand j'ai rencontré mon mari, Pierre, bon, il n'y avait pas beaucoup d'âge et de différence, non. À cette époque-là, j'habitais à Saint-Michel-sur-Terre-Noire. À Saint-Michel-sur-Terre-Noire, il y avait une guinguette qu'on appelle, un bal. Oui, moi, aller au bal, j'allais tous les dimanches chez nous, parce qu'il y avait un café qui faisait bal. Donc on y allait. Mais mon mari ne dansait pas aussi. On s'est connus en copains. Mais lui ne dansait pas. Alors moi, je dansais avec les autres, forcément. Moi, j'étais une enragée de la danse. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'étais une enragée de la danse. Ben, mon mari, j'ai dû le rencontrer à Catherine. Malheureusement, il est parti assez jeune. Où j'allais danser, mais lui, il ne dansait pas. Alors, on se rencontrait tous à Catherine. Puis c'est là que j'ai appris à danser. Parce qu'alors, pour danser, là, j'étais en première ligne. Hein. Mes cousines, tout ça, on se retrouvait tous au bal. Comme c'était pour loin. Oui, enfin, voilà. Des musiques? Oh non! Oh là, je ne m'en rappelle pas, dites. Oh. J'étais jeune à ce moment-là, hein. Bon, il y avait beaucoup du Tino Rossi à cette époque-là, hein. Les chansons. C'est envolé, tout ça. Oh, Tino Rossi. Bon, il a aimé tout le monde, je crois, Tino Rossi. Oui, enfin, je crois que notre vie qu'elle est tracée quand on vient au monde. Oui, s'il n'y aurait pas eu la guerre, j'ai eu une vie heureuse.